Alors, je voudrais profiter de ces exemples liés au voyage pour faire une petite parenthèse rapide. Dans la première partie de cette méthode, on avait vu comment traduire le mot voyage lorsqu'il s'agit d'un voyage aller. C'est Journey. journey, journey. Oui. Mais il existe encore un autre mot que vous avez besoin de connaître en anglais pour dire voyage, c'est trip, trip, qu'on emploie habituellement pour parler d'un voyage aller-retour et de courte durée. Alors si le mot pour parler des affaires est business, comment dira-t-on un voyage d'affaires? A business trip. A business trip, of course. Et la plupart des voyages d'affaires à l'étranger se font by plane, en avion. Le verbe to fly, fly, veut dire voler. Et de là vient le mot flight, flight, pour un vol. Alors, comment direz-vous un vol de nuit? A night flight. A night flight, oui. Et je suis sûr que vous savez déjà dire une boîte de nuit en anglais. Littéralement, un club de nuit. A nightclub. A nightclub, of course, a nightclub, qui dans ce cas s'écrit en un seul mot. Alors vous voyez bien à partir de ce mot qui vous est familier, comment on juxtapose les deux noms en inversant l'ordre du français. Et donc, comment direz-vous un club de tennis? A tennis club. A tennis club, oui. Et un joueur de tennis? A tennis player. A tennis player. On avait déjà parlé de lui dans la première partie, n'est-ce pas? Donc là, vous venez de marquer un point, ou pour reprendre l'image chère à Michel Thomas, vous avez fait passer la balle par-dessus le filet. Tenez, j'en profite pour vous dire que jouer au tennis se dit to play tennis. On n'emploie pas the avant les noms de sport. Bien. Alors, si une raquette se dit racket, racket, et une balle se dit ball, ball, comment direz-vous, pour jouer au tennis, vous avez besoin d'une raquette de tennis, d'une balle de tennis et un court de tennis? Alors, le mot pour court est exactement le même qu'en français, mais prononcé court. Alors, encore une fois, pour jouer au tennis, vous avez besoin d'une raquette de tennis, d'une balle de tennis et un court de tennis. To play tennis, you need a tennis racket, a tennis ball, and a tennis court. To play tennis, you need a tennis racket, a tennis ball, and a tennis court. Bon, vous semblez avoir parfaitement assimilé cette caractéristique de l'anglais, qui consiste à juxtaposer deux noms pour créer un nom composé. Et n'oubliez pas d'inverser l'ordre des deux noms par rapport au français, hein. C'est presque aussi important, comme nous allons le voir tout de suite, que de se souvenir de conduire à gauche en Angleterre. Car en anglais, c'est le nom qui vient en deuxième position qui constitue le nom principal. Alors, si je vous dis qu'une course se dit race, race, et un cheval se dit horse, horse, quelle sera la traduction de une course de chevaux? A horse race. A horse race. Oui. Donc, c'est une course de chevaux. Le deuxième mot est le mot principal, race. Donc, l'information qu'on transmet, c'est qu'il s'agit d'une course et plus particulièrement d'une course de chevaux. Alors, attention, comment dira-t-on un cheval de course? A racehorse. A racehorse. Si vous arrivez d'ores et déjà à ne pas vous emmêler les pinceaux entre horse race et racehorse, alors congratulations. C'est que vous avez parfaitement assimilé le fonctionnement des noms composés en anglais. Et vous verrez combien ces noms composés à l'envers sont omniprésents dans la langue anglaise. Alors je crois qu'on peut désormais passer à autre chose.